bas sur ses pattes et qui tournait vers nous, aboyait. Mais nous ne l'entendions pas. Ce chien était, de toute évidence, muet. Et il aboyait contre nous en silence. Tout à coup, l'homme se tourna vers le fond de la caverne et nous dit, sur un ton empreint de la plus exquise politesse, « Messieurs, vous ne pouvez rentrer à la Chaux-de-Fonds ce soir. Permettez-moi de vous offrir l'hospitalité. » Puis il se pencha sur son chien. « Veux-tu te taire, mystère ? » fit-il. Le chien ferma sa gueule. Chapitre 2. Makoko grogna. Cette invitation était bien faite pour le stupéfier et pour nous étonner. Dans notre détresse, nous avions pensé à l'hospitalité du gentilhomme, sans y croire et sans l'espérer. Depuis 5 heures que nous chassions sur cette crête d'où l'on pouvait apercevoir le plateau inculte où s'élevait la gentilhommière, Mathis et Makoko nous avaient raconté, à Alan et à moi, qui n'étions point du pays, les histoires les plus invraisemblables sur l'hôte de ces bois. Quelques-unes, inventées par les vieilles de la montagne, le représentaient comme ayant commerce avec l'esprit du malin. Toutes aboutissaient à cette conclusion que l'homme était inabordable et n'abordait jamais personne. Il vivait là, enfermé dans sa gentilhommière avec une vieille domestique et un intendant aussi sauvage que lui, et cela depuis des années innombrables. Dans la vallée, personne n'eût pu dire à quelle époque cet être mystérieux, qui ne descendait jamais de son nid d'aigle, s'était installé dans la montagne. Son fermier, car il avait un fermier qui exploitait pour lui de vastes terres, ne lui avait jamais parlé et traité directement avec l'intendant. On ne connaissait pas la voix du gentilhomme, et voilà que cette voix, nous l'avions entendue, nous, par un privilège qui tenait du sortilège. Je dis sortilège, car enfin le plus bizarre de l'affaire n'était-il point cette invitation à des ombres perdues dans la nuit d'une caverne. Nous le voyons, nous, mais il ne nous voyait pas, lui. Il invitait de l'ombre à venir s'asseoir à son foyer. Makoko, qui était superstitieux, chargea les petits marcassins sur son épaule et nous dit « En route !» sans répondre à l'homme. Nous nous avançâmes tous au bord de la grotte. Il pleuvait encore, mais l'orage faisait trêve. Le ciel s'éclaircissait au-dessus de nos têtes, tandis que de gros nuages roulaient encore vers nos pieds, s'accrochant à de moindres cimes. La gentilhommière nous apparaissait, de l'endroit où nous nous trouvions, dans un véritable décor d'enfer. L'antique bâtisse, à laquelle une tourelle à mâchicoulis, reste du château fort, donnait un aspect moyenâgeux. Reposait sur un roc absolument dénudé, sur une sorte d'étroit plateau sinistre, balayé par tous les vents, nettoyé comme le carreau net d'une cuisine par cette femme de ménage acharnée et formidable, la tempête. Cette aridité surprenait d'autant plus qu'elle était entourée, à quelque distance de là, d'une ceinture de collines verdoyantes et d'épaisses forêts. Et elle avait ceci de mystérieux qu'elle n'apparaissait point comme étant naturelle. Non, il n'était point naturel que les choses devinssent tout à coup, sans raison apparente, aussi désolées. Il n'était point naturel que cette verdure, ces arbres, ces fleurs qui, si joyeusement avaient gravi la montagne, se fussent arrêtées soudain au bord de ce plateau, comme s'il avait été maudit, comme si le destin en avait interdit l'approche à tout ce qui pouvait ressembler à de la vie. Je n'avais jamais rien vu d'aussi lugubre que ces rochers nus et que cette masure, toute branlante encore du choc de l'ouragan. Et une grande curiosité me vint de pénétrer dans cette demeure, fermée jusqu'à ce jour aux étrangers, derrière cette hôte dont on ignorait tout, même le nom, et qui, tête nue, se promenait les jours d'orage dans la montagne avec son chien mystère qui aboyait en silence. Ma coco était déjà sur le chemin. Matisse, sans même saluer l'homme, avait rejoint ma coco. Alan était resté près de moi. Je mis mon chapeau à la main et remerciai le gentilhomme de son invitation. Je lui dis que nous l'eussions certainement agréé si nous n'avions été fort pressés de nous rendre à la Chaux-de-Fonds où d'importantes affaires nous attendaient. « Bah, vous passerez la nuit dans la montagne ?» interrompit l'homme. « Qui vous le fait croire ?» demandai-je. « Les deux seuls chemins qui conduisent à la Chaux-de-Fonds sont impraticables. L'orage a fait déborder les torrents. Il est tard. Vous rencontrerez mille difficultés que vous ne surmonterez pas avant la nuit. Essayez, mais je suis sûr que, cette nuit, vous reviendrez frapper à ma porte, si vous retrouvez votre chemin. » Ma coco et Matisse considéraient l'homme d'un œil hostile. Ma coco, d'un coup d'épaule, remontant les marcassins qui lui pendaient dans le dos et qui grognèrent lamentablement, s'avança presque sous le nez de l'homme et à brûle-pourpoint lui posa cette question. « D'abord, comment saviez-vous que nous étions là-dedans? Comment avez-vous deviné que nous étions au fond du trou? Vous auriez aussi bien pu inviter à souper une famille de loups. Je vous ai vu tuer la lait, dit l'homme très tranquillement, en montrant du doigt les marcassins. « Un beau coup de fusil, monsieur, » ajouta-t-il en se tournant vers moi. « C'est dommage d'avoir manqué le père, une bien belle bête. »« C'est moi qui l'ai manqué, » fit ma coco, « mais ce n'est pas ma faute. J'ai craint de blesser mon piqueur, un imbécile. » Et il se lança dans des détails, secouant ses marcassins. « Quel beau défilé, hein, vous avez vu? Alors vous étiez là quand ils sont arrivés dans le chemin vert? Le vieux en tête, les petits dans le milieu, la mère fermant la marche, toute la famille à la queue leu-leu. Au premier coup de fusil, l'allée est par terre. Les petits, affolés, se jettent sur elle. » Matisse me crie de tirer sur le sanglier qui détale. Mais j'avais mon piqueur en face, l'idiot. La bête fait un demi-cercle rapide, se jette à droite, disparaît. Heureusement, les petits étaient là. Je leur ai fait un sort avec un bout de ficelle. Je leur ai lié les pattes et voilà. Ah, une bonne chasse. Si seulement on pouvait rentrer à la Chaux-de-Fonds ce soir. Trop tard, fit l'homme. « Jamais vous ne retrouverez vos voitures maintenant. Vous auriez dû vous mettre en route tout de suite, avec vos piqueurs, quand ils ont jeté l'allée sur la luge. »« Mais enfin, où étiez-vous donc ?» reprit ma coco. « Moi, je ne vous ai pas vu. »« Vous l'aviez vu, vous autres ?» Nous répliquâmes qu'en effet, nous n'avions point aperçu notre interlocuteur. « Bah !» dit celui-ci avec un pâle sourire. « J'étais là pourtant. Messieurs, je n'ai pas l'habitude d'emmener les gens de force chez moi. Il y a bien des années que ma porte ne s'est ouverte devant les étrangers. Je n'aime pas la société. Seulement je vais vous dire, il y a 6 mois, on est venu frapper à ma porte un soir. C'était un jeune homme qui avait perdu son chemin et qui me demandait le gîte jusqu'au matin. Je le lui ai refusé. Le lendemain, on a trouvé un cadavre au fond de la grande marnière, un cadavre à moitié mangé par les loups. « Mais c'était Petit le Duc !» s'écria ma coco. « Et vous avez eu le cœur de rejeter le garçon dans la montagne la nuit en plein hiver. C'est vous qui l'avez tué. » Oui, certes, fit l'homme simplement. C'est moi qui l'ai tué, et vous voyez que cela m'a rendu hospitalier, messieurs. Et pourriez-vous nous dire pourquoi vous l'avez chassé de votre maison ? Gronda sourdement Makoko, dont le poing féroce semblait se préparer à assommer ce singulier hôte. Sans hâte, le gentilhomme posa sur nous son regard mort. « Parce que ma maison porte malheur, » dit-il. « Est-ce que ce n'est pas ce qu'on raconte dans la montagne ?» Puis, nous désignant d'un doigt décharné les nuées opaques qu'une saute de vent faisait remonter vers nous, « Messieurs, au plaisir de vous revoir. » Et il s'éloigna, appelant son chien, redressant sa haute taille, le fusil sur l'épaule, ses quatre mèches au vent. « C'est un fou !» dit Matisse. « C'est un fou !» dit Alan. « Non, non, ce n'est pas un fou !» répliqua péremptoirement Makoko, sans plus exprimer sa pensée qui vouait le gentilhomme à l'enfer. Les nuages qui nous gagnaient déjà, nous masquant la terre avec ses monts, ses forêts, ses plaines, ses vallées, ses villes, la terre des hommes, et bientôt nous ne distinguâmes même plus nos bottes. Mais par un effet de lumière, à la fois fantastique et naturel, il n'y eut plus de visible en face de nous que le lugubre plateau, qui semblait porté par des nuées de tempête en plein ciel, sans plus tenir par rien à la terre. La gentilhommière était debout là-dessus comme un saint honoré sur une assiette. Un ray, envoyé par le soleil à l'agonie, alluma les créneaux de la tour et lui fit une sorte de couronne de soufre qui s'éteignit presque aussitôt. Et il nous parut que l'ombre démesurée de cette tour était venue nous toucher, s'allongeant tout à coup au-dessus de l'épais brouillard qui maintenant nous tenait la ceinture. C'est nous qui serions des fous de ne point accepter l'hospitalité de l'homme, fis-je. Entrons dans ce petit castel, et vite, il n'y a pas une minute à perdre. C'est mon avis, obtempéra Alan. Et s'il nous porte malheur, s'écria Makoko. Oui, s'il nous porte malheur, répéta Matisse, qui était rarement d'un autre avis que celui de Makoko. Et quel malheur voulez-vous qu'il nous arrive, fis-je. Est-ce qu'on sait, avec cet homme du diable, grogna Makoko. Oh, moi, j'aime mieux voir le diable que d'attraper un rhume de cerveau, déclarai-je en éclatant de rire. Mais quel rire avais-je là? Quel rire frénétique sortait de ma bouche ouverte toute grande, toute grande. Je m'étais arrêté de rire, que la montagne riait encore. Oui, l'écho me renvoyait l'éclat de ma veine guettée avec une insistance qui nous énerva. « Quand elle aura fini, » dit Makoko à la montagne. Il fallait nous décider, prendre un parti. Alan et moi, aidés des éléments, eûmes enfin raison des hésitations de Matisse et de Makoko, auxquelles nous reprochions leur couardise. Nous dûmes hâter le pas pour arriver sur le plateau avant que la nuée ne nous eût ensevelis tout à fait, et quand nous frappâmes à la porte de la gentilhommière, il n'y avait plus au-dessus du brouillard que quatre têtes sans corps qui attendaient qu'on voulût bien leur ouvrir. Chapitre 3. Je n'ai pas été élevé avec les gnomes de la montagne, comme Matisse et Makoko, l'un fils de garde forestier, l'autre unique héritier d'un des plus grands propriétaires terriens de cette partie du Jura qui tient par un versant à la France, par l'autre à la Suisse. Alan et moi avions connu Mathis et Makoko au collège de Lons-le-Saunier, où nous restâmes jusqu'à notre quatrième, avant d'aller à Paris terminer nos études. Eux, après la quatrième, étaient tout simplement retournés au foyer paternel, aux environs de la Chaux-de-Fonds, non loin de cette tête de rang qui s'élève de plus de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, et d'où, par les grands jours d'azur, on aperçoit tout le Jura et les Alpes, de Suentis au Mont-Blanc. Là, ils avaient été entièrement repris par la terre natale, par ses traditions, ses légendes, par l'âme mystérieuse de la forêt. Trois fois déjà, sur leurs pressantes invitations, nous étions venus, Alan et moi, chasser avec eux, vers la fin des vacances, mais nos expéditions cynégétiques ne nous avaient point conduits encore si près de la gentilhommière, dont nous n'avions entendu parler jusqu'alors que d'une oreille distraite. Nous avions coutume, du reste, de ne prêter aucune attention à toutes ces histoires de bonnes femmes. La seule chose qui nous intéressa était les rues de chasse que nous faisions avec ces rues de gars, car nous aimions beaucoup nos camarades tels que la vie les avait faits. Paysans orgueilleux, courageux et forts, dames délicates et peureuses devant l'inconnu, et tenant de leur famille, restée catholique, une piété qui allait jusqu'à la superstition. Quant à Alan et quant à moi, élèves de la faculté de Paris, nous ne croyons pas à grand-chose en dehors de ce que nous montrait notre scalpel. C'est vous dire quel esprit différent nous animait tous les quatre dans le moment que la fumée des monts nous acculait à l'hospitalité de la gentilhommière. Alan et moi étions curieux de savoir ce que nous allions trouver derrière cette porte. Makoko et Mathis en avaient presque la terreur. S'ils avaient été seuls, nul doute qu'ils eussent préféré rester, le ventre creux et transi de froid au fond de la caverne. C'était une antique porte de chêne toute consolidée de barres de fer et cuirassée de clous. Elle tourna sur ses gonds sans bruit. Une petite vieille était sur le seuil, accueillante et ratatinée. « Entrez, messieurs !» Du seuil, nous apercevions une pièce haute et large, assez semblable à ces salles, appelées autrefois salles des gardes. Elle faisait certainement partie de ce qui restait du château fort sur les ruines duquel, quelques siècles auparavant, on avait bâti la gentilhommière. Elle était bien éclairée par le feu de l'âtre énorme où brûlait un arbre et par deux lampes à pétrole pendues par des chaînes à la voûte de pierre. Pas d'autre meuble qu'une table épaisse de bois blanc, un large fauteuil de cuir, quelques escabeaux et un buffet grossier. On eut en vain cherché dans cette salle les squelettes tintinabulants, le crocodile empaillé, les paquets d'herbes, les fourneaux, les alambics et les cornues de tout alchimiste ou suppôt de Satan qui se respecte. Seulement, l'impression que l'on en recevait était assez singulière, car cette pièce était toute blanche, comme un sépulcre. La vieille n'avait point l'air d'une sorcière, mais elle était vieille, vieille, courbée en deux. Et sa voix était celle d'une enfant, et elle avait l'air trop aimable. Elle s'appuyait sur un bâton. Comme je demandais tout de suite à voir notre hôte, elle toussa, nous pria d'entrer dans la pièce, bouscula un peu Makoko qui grognait avec ses marcassins, et se mit à trottiner devant nous en nous priant de la suivre. Nous traversâmes ainsi toute la pièce. Elle ouvrit une porte. Nous étions au bas d'un escalier vermoulu, aux marches de bois affaissées. L'escalier tournait dans la tour conduisant aux deux étages de la masure. Dehors, le vent chantait une chanson désespérée, et se glissant jusqu'à nous par les meurtrières, nous glacer. « Mettez vos bêtes là-dessous, » fit la vieille en indiquant à Makoko un trou sous l'escalier. « On leur donnera quelque chose à manger tout à l'heure. » Makoko se sépara de ses petits avec un soupir de mère. Pendant ce temps, la bonne femme allumait une lanterne dont la flamme, vacillant dans sa prison de verre, projeta nos ombres dansantes sur les murs. « Mais bon, messieurs, avant le souper, je vais vous montrer vos chambres. Je m'appelle la mère Appenzel, pour vous servir. » Et elle grimpa avec un grand bruit de galoche au long des marches inquiétantes, s'embrouillant dans ses bonnes vieilles jambes et son bâton à ne plus s'y retrouver. Elle arriva cependant la première au premier étage. « C'est là que vous couchez. Mon maître et moi, nous avons nos chambres au-dessus, » fit-elle en nous montrant le plafond du bout de son bâton. « Et quand le verra-t-on, votre maître ? » demandai-je. « Tout à l'heure, mon bon monsieur, tout à l'heure. » Nous étions dans un corridor dallé de carreaux fort ébréchés, mais fort propre. Sur ce corridor donnaient quatre portes, deux à droite, deux à gauche. Trois de ces portes étaient ouvertes. Elle nous les montra. « Voici vos chambres. Deux de ces messieurs seront obligés de coucher dans le même lit, » ajouta-t-elle d'une voix dolente. « J'ai mis des draps, de l'eau dans les pots et de la bougie sur les tables. J'espère que vous ne manquerez de rien. Vous saviez donc que nous allions venir ?» La mère Appenzel fit entendre un petit rire de crécelle. « Mon maître m'a annoncé des amis. » Makoko, suivie de Matisse et d'Alan, avait pénétré dans la première chambre. Je l'entendis déposer bruyamment son fusil et dire « Nous coucherons ici, Matisse et moi. » J'étais resté seul dans le corridor avec la vieille. Je lui désignais la porte close. « Il n'y a donc pas de lit dans cette chambre ?» demandai-je. « Oh, monsieur, » fit la vieille, « il y a bien un lit, mais on n'a pas couché dans la mauvaise chambre depuis 50 ans. » « Et pourquoi ?»« Chut !» souffla la mère Appenzel, un doigt sur sa bouche édentée. Et elle s'en fut vers la chambre d'Alan. Je crus que j'étais seul. J'allongeai la main vers la clenche qui fermait la mauvaise chambre. La vieille m'avait vu. Elle me jeta, suppliante. « Ne faites pas cela !» Quand mes amis, après une toilette sommaire, furent descendus, je m'attardai dans le corridor et, une bougie à la main, pénétrai dans la pièce mystérieuse. Dois-je l'avouer, mon cœur battait un peu plus vite que de coutume. La porte poussée, je ne remarquai tout d'abord rien d'extraordinaire, mais je fus saisi par une odeur indéfinissable, une odeur qui n'était point seulement de renfermer, une odeur effacée et lointaine, aigre et brûlante. Je croyais être sûr de n'avoir jamais senti cette odeur-là. Elle n'était point désagréable. Et je ne sais pourquoi je m'amusais aussitôt à l'idée que cette odeur était peut-être bien l'odeur du diable. Mais j'en fus pour mon idée, car, ayant deviné au fond de la pièce, sur la droite, la forme de la vaste cheminée, qui, montant de l'âtre sis au-dessous de nous, dans la salle, se continuait jusqu'au toit en se rétrécissant à travers plafonds et planchers. Mon esprit positif imagina, aussitôt qu'une telle odeur me venait, par quelque interstice d'une telle cheminée. La chambre était vaste, occupée dans son milieu par un lit très simple à colonnettes, mais qui, s'il datait réellement, comme je le présumais, de Henri III, pouvait être d'une grande valeur. De lourdes tentures d'un vert décoloré pendaient aux deux fenêtres. Dans un coin, il y avait une commode du Premier Empire à table de marbre. Au-dessus de cette commode, une étagère bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, une douzaine de vieux ouvrages dont je lus quelques titres. Judas et Satan. Le sabbat. L'envoûtement tel qu'on le pratiquait au Moyen-Âge. Les sorciers du Jura. Je ne pus m'empêcher de sourire à cette accumulation de littérature diabolique et je me disposais à me retirer quand je fus arrêté par l'attitude de l'armoire à glace. J'allais à l'armoire. Celle-ci était un meuble du milieu du XVIIIe siècle, travaillé de délicates sculptures du style le plus délicieusement rococo, à même le bois qui avait perdu par endroits sa peinture. On avait déshonoré les panneaux en y incrustant des glaces, et ceci était d'un luxe relativement moderne que j'aurais sincèrement regretté si je n'avais pas été plus occupé, comme je vous l'ai dit, par l'attitude de ce meuble que par le meuble lui-même. On eût dit un meuble ivre, cherchant un équilibre qui lui échappait. Décollé de la muraille, il se penchait vers moi comme s'il avait décidé de me tomber dans les bras. Logiquement, de par le simple exercice des lois de la pesanteur, cette armoire devait, me semblait-il, continuer son inclinaison jusqu'à ce qu'elle eût rencontré le carreau de la chambre, en un fracas nécessaire. La prudence me commandait de n'y point toucher, mais, ayant sans doute ce soir-là, comme on dit, le diable au corps, je posai ma bougie sur la commode, repoussai l'armoire contre la muraille, cherchai d'une main dans ma poche un objet qui pût me servir de cale, y trouvai mon couteau de chasse, le jetai sur le parquet et, du bout de mon pied, assurai par ce moyen l'équilibre certain de cette armoire en goguette. Quand, fier de mon ouvrage et persuadé que j'avais épargné à ce joli meuble un accident menaçant, je repris ma bougie et me fus retourné pour fermer la porte. Je revis l'armoire dans son inclinaison première. « Ah, vraiment ?» fis-je assez étonné. Mais comme en bas ma coco, inquiet de mon absence, m'appelait, je descendis. Chapitre 4. Je revois encore notre hôte. Vivrai-je 100 ans que je ne saurais oublier cette image, telle qu'il m'apparut dans le cadre de l'âtre, quand je descendis dans la salle où la mère Appenzell avait préparé notre souper. Mes amis étaient assis autour du feu, les bottes aux braises. Lui se tenait devant eux. Debout dans un coin sur la pierre du foyer de cette cheminée, vaste comme une chambre. Il était en habit, et quel habit, d'une élégance suprême, même extraordinairement défunte. Ainsi, pour nous recevoir, il était allé mettre son habit, le sien, celui de son grand-père ou de son trisaïeul. Il me parut que Brummel ne pouvait avoir eu d'autre élégance que celle-là. Le col de l'habit haut, les revers larges, le gilet de velours, la culotte et les bas de soie, la cravate, tout cela avait un grand air d'autrefois, dont je n'aurais pas pu dire l'âge. Notre hôte avait les manières les plus nobles, c'est-à-dire les plus simples. Il me pria de prendre place au foyer. Et nous voici partis à parler de chasse. Ma coco, malgré sa gêne visible, ne résista pas à nous conter quelques exploits. L'hôte, aimablement, l'approuve. Quant à moi, je ne puis détacher mes regards de ce visage pensif, surgissant tour à tour dans l'ombre et dans la flamme, si douloureusement à voir dans sa singulière expression double d'énergie et de tristesse. Cette face,